écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. C'est un fait. C'est un fait. C'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui, monsieur. Oui. C'est un fait. C'est un fait. Donc, commençons avec des faits. On va apprendre des choses hein, comme on le fait tous les lundis matin. Bref, oui. Si on veut. Qu'est-ce que la scopophobie? Ça y est, ça part, hein, direct. Hein, ouais, JP. Moi, là, je ne pas avec la poque. Scopophobie. OK, ça, c'est quand t'as peur de scoops. Scopophobie. T'as peur de Roy Dupuis. Oui. Scoop. Scopophobie, c'est la peur de se faire regarder. Ah, OK. Ouais. Contrairement à Roy Dupuis. Arrête! Qui, le reflet du soleil sur ton front. En sport. Luisant. Luisant. En sport, maintenant. Un ballon de soccer est fabriqué à partir de 32 panneaux de cuir qui sont retenus par 642 coutures. Mm-hmm. Donc, c'est 32 panneaux de cuir. Les saunas sont plus nombreux, nous dit-on, que les voitures en Finlande. Oh! Saunas. Sauna de chou, je sais pas. C'est peut-être vrai. Sauna de chou. C'est à cause de la fameuse promotion. Achète une auto et reçois un sauna. Deux saunas. Deux saunas. La distribution du film Starship Troopers a bien voulu filmer une scène où il devait être nu dans une douche, à condition que le réalisateur Paul Verhoeven le réalise ou réalise cette scène-là lui aussi nu. C'est une bonne idée. Il pourrait être en dedans pour en dedans. Ben, c'est ça. Entre hommes. Ouais, break à bras, d'autres blagues comme ça. Starship Troopers, c'est une affaire de vaisseau spatial, fait que bon. Ouais. Serena et Venus Williams avaient une sœur plus vieille qu'elle. Elle s'est fait tirer en 2003 dans une attaque par un gang de rue. Comment est-ce que tu penses que ça s'appelait? Serena, Venus et... Mars. Mars. C'est exactement ça. Snickers. Snickers. Les rats aiment les choses sucrées bouillies plus que le fromage. OK. Sucrées bouillies. Sucré bouilli. Je sais pas, des cannes de bonbons bouillis. La buée, ouais. Ouais. Ouais. Moi, je sais pas. Ouais. Un rat sucré. Ouais. Bouilli. Miam. environ 42 000 balles de tennis sont utilisées dans les 650 matchs environ du championnat de Wimbledon. 42 000? 42 000. Hein? Un jour, on devrait juste toutes les pitcher sur le terrain puis voir la réaction du coureur de balles. Ah, malade! Ce qui se passe dans sa tête. Oh non. Oh. J'aurais dû coller off. J'hallucine. La pluie tombe à une vitesse moyenne de 22 000 à l'heure. OK. Quand même. Elle peut aller dans les zones scolaires. Oui. les guillemets n'existent que depuis 300 ans environ. En fait, c'est la marque de ponctuation la plus jeune de la langue anglophone anglaise. Donc, les guillemets, c'est la plus yo. Yo! C'est les jeunes, c'est frais. Ouais. Chaque perdant aux Oscars, d'accord, reçoit un prix de consolation. En fait, c'est un sac de cossins. Sauf que ces cossins-là, cette année, valaient 48 000 $. OK. Il y a juste beaucoup de choses vraiment, j'imagine des bijoux, des trucs comme ça. Quand t'es perdant aux Oscars, t'es pas perdant dans la vie. C'est rare, de toute façon, que t'es nominé aux Oscars et que t'es une petite personne, pauvre étudiant. Ben oui, c'est ça. Alors, Pinocchio. Pinocchio, c'est un mot en italien. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi, Pinocchio? Nez qui rallonge. Nez qui rallonge, ben proche, c'est un nez de pin, pin comme l'arbre. Ah oui, OK. Je pensais aller faire une blague de gnocchi, là. C'est quoi les gnocchi? Gnocchi? C'est ça? Ouais, les pâtes de pitotte. C'est bon, ça? Oui, c'est bon. Les cochons, les morses et les chevaux, tous ceux dans ces animaux-là qui ont la peau pâle, peuvent avoir un coup de soleil. C'est vrai. Ben oui, ben là, c'est ça. C'est pour ça que j'en ai vu un se crémer. Avec ses petites pattes. qu'est-ce que la phobophobie? C'est un simple quand même. Analyse-le, décortique-le. Phobophobie. Ouais, OK. Phobo. Hein, du phobophobie. C'est-tu peur d'avoir peur? Oui, c'est ça. Pour de vrai? C'est vraiment la peur d'avoir peur. Phobophobie. Ben non. Ben oui. C'est mon cinquième. Mets-toi de la crème sur le dos. Non, mais je voulais la chanson thème de Price is Right. Avoue que ça aurait été parfait. Un coup de micro dans la face. Brand new car! Si seulement. Après 5 fois à Guerre des Clans, je pense à une voiture aux États-Unis. Ah oui? Après 5 parties gagnées. Ah, ici, ils reçoivent 5 piastres. C'est ça, ouais, exact. Après 5. Mais de toute façon, pour avoir 5 parties gagnées, il faudrait que tu réussisses toutes les questions que je te demande dans une chronique, c'est un fait. 5 fois. 5 fois, ah! Parce que là, c'est pas juste une question, Guerre des Clans. Ah, ben là. Bon. Le mot email, oui, a été utilisé pour la première fois par Thomas Nash en 1594 dans le livre The Terrors of the Night. Et en plus de ça, le mot en français pour email, dans le fond, pour le mot email, c'est dans ce sens-là que le mot a été utilisé par Thomas Nash en 1594, oh, sans l'accent. Donc c'était un email. Email. C'est comme ça que j'appellerais ça dorénavant. Un email. Email. Je t'ai envoyé un email. C'est ça. Pourtant, j'ai pas de problème dedans. Oui. Email. Email, Evan. Oui, puis, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? J'en avais une autre. Blague tellement cocasse, là. Non, ah ouais. Non. Hey, c'est un beau saut que t'as, si tu fais en amont. Bon, c'est ça. Côte de maille. C'est maille? Quoi? Quelle note tu lui donnerais? Celle-là? Quelle côte de maille, c'est ça. Ouais. Quelle côte de maille. C'est ça, après ça, je l'ai. Ou genre, quelle côte de maille? Ouais. Je suis en forme. Les gens qui ont la difficulté à supporter le stress à cause de l'argent ont deux fois plus de chances de développer une maladie de l'âge. Des gencives, selon une nouvelle étude. Des gencives. Ben, tu vois, justement, on parlait des mailles. Oui. Tu vois? Tu vois? Dent pour dent? Dent pour dent. Les équipes de la Major League Baseball, la MLB, utilisent environ 850 000 balles par saison, comparé au tennis qui était 42 000 tantôt. Ah, wow! 850 000! Mais c'est beaucoup de balles, tout ça. C'est plus que 750 000. Maintenant, tu comprends pourquoi ils récupèrent avec, en classe là, pour mettre en dessous des chaises pour les enfants? Oui. Pour que ça fasse... Exact. Comment ça, c'était Donald Duck, hein, je pense? C'est, comment il fait? Oui. C'est Donald. C'est un vieux diesel encore. Les gens qui photocopient leurs fesses, on a parlé de ça la semaine passée à Assemblage requis, des gens qui photocopient leurs fesses. C'est la cause de 23% des blessures au travail. Non, des bris de photocopieuses. Ah oui, dans le 23%? Monde. 23%. Aïe. Okay. Ben quand même, ça veut dire que si, mettons, on est dans une pièce, puis il y a 5 photocopieurs, il ouais, y en a un là-dedans qui a déjà reçu une paire de foufounes. C'est ça, qui est brisé à cause de ça. Oui, puis qui marche plus. Là. Non. Moi, ouais, on a sûrement tous déjà vu le même vidéo là, du gars qui se fait photocopier les foufounes puis que la vitre, elle pète. Oh. T'imagines-tu? Déplaisant. Mais oui, mais là, après ça, c'est dur de faire comme moi. Je sais pas, je suis blessé comme aux fesses. Je sais pas ce qui s'est passé. Je passais par là, il y avait de la vitre. Ben, c'est un paper cut, là, mais pas avec du papier, je te dis. C'est un photo paper cut. C'est ça. Qu'est-ce que la panthéraphobie? Panthéra. Peur des panthères. Peur de la panthère rose. Peur de l'acteur qui joue dans la panthère rose. Wow, t'as droit à juste une réponse à la fois. Je vais prendre la première et elle est fausse. La deuxième ensuite est aussi fausse. La troisième encore plus fausse. Panthéraphobie, c'est la peur des belles-mères. Oh. C'est pas tellement même ça. C'est pas ça que je veux dire, cougar. Oui. Ah, ben oui. Ah! Woo! Woo! Mm. Ensuite, Parker Brothers imprime combien de dollars d'argent Monopoly par année? En considérant que, mettons, un billet, c'est un billet, là, oui, ou OK? Non, la valeur monétaire. Tu veux savoir la valeur monétaire? La valeur monétaire, s'il te plaît. Ah, mais c'est un peu dur, parce que là, la version junior, c'est comme des 1$. OK, ouais. La version vraie, c'est comme des 10 000. Elle doit pas compter ben. Celle pour les enfants doit comme annuler, puis celle pour les riches, tu sais, contrebalance. Fait que ouais, okay, la moyenne de la moyenne. Ouais. Quoi, 1 milliard? De dollars? 50 milliards de dollars! Incroyable! Incredible but true! Le record pour le plus de médailles olympiques gagnées par une seule et même personne, c'était la gymnaste soviétique Larissa Latinina. 18 médailles gagnées entre 1956 et 1964. Bravo! Mm-hmm. Qu'est-ce que la papaphobie? Est-ce que c'est peur d'avoir du papa? Du papa? C'est la peur du papa? Comme du papa? Oui! Non, c'est la peur des... Ça sonne pareil. De la musique qui fait papa. Non, c'est des papes. Des onomatopées. Des onomatopées, ça a été bon. C'est des papes. Ah, ben. Pas les papes. Mais j'y allais. Le poisson rouge est le seul animal qui peut voir la lumière infrarouge et la lumière ultraviolette. Ah, wow. Encore une fois, félicitations. Ben oui, quand même. C'est impressionnant. Ben vraiment. La vie doit être si belle. Tu l'oublies tout le temps, tu revis ça comme. Wow! Oh, wow, c'est bon. Faire voler un cerf-volant, c'est un sport professionnel en Thaïlande. OK. Tu sais, faire voler un cerf-volant. Mm-hmm. Ben oui. Pamela Anderson, savais-tu que c'était le bébé du centenaire au Canada? C'est le premier bébé né à l'anniversaire du centenaire, l'anniversaire de l'indépendance du Canada. C'était Pamela Anderson elle-même. Ben, ça récompense plein d'hélium dans les seins. Oui. Elle est partie en volée. Oui. Voilà. Woo-hoo. I believe I can fly! Les hiboux, c'est les seuls oiseaux qui ne peuvent pas voir la couleur bleue. Oh. Triste. Mais ça veut dire les jets bleus, mettons. Ils verront pas les jets bleus, ben ils vont les voir d'une autre couleur, j'imagine, peut-être. Ah, peut-être. Peut-être. C'est le transparent. Moi, je pensais qu'il les voyait juste pas. C'est comme pour les daltoniens, ils voient juste pas non, ce qui est ça. Vert et rouge. Ah, tu vois, c'est une petite nuance qui m'a échappé là, ce matin. À peine important comme détail. Non, bon. Écoute, on fait avec ce qu'on a. C'est ça, oui. On choisit pas les couleurs qu'on voit pas. Ah, ah. Qu'est-ce que t'aimerais mieux pas voir dans la vie, toi, si tu pouvais ne pas voir l'injustice dans le monde? La famine. Okay. Plus de 50% de tous les gens fantasment plus sur l'argent que sur le sexe. Ah! Parce qu'avec l'argent, tu peux acheter du sexe, c'est bien connu. 50%, ça veut dire que Mathieu, il y a un de nous deux. Mathieu, la question qui tue... Oh, okay. Ah. On a dit non, mais c'est fun dans ce aussi de 30 millions de gens aux États-Unis souffrent de diastémie. Qu'est-ce que c'est la diastémie? La dia, hein, premièrement, c'est sortir mou. Stimie. Ah, oh, c'est de la vapeur. C'est de la vapeur. Stimie. Wesh! Ouais, c'est. Ouais, mais je sais pas, c'est quand t'es fâché pis t'as de la vapeur qui te sort pendant les oreilles. Qui te sort des fesses. Oui! C'est d'avoir un trou entre les dents. Ah, tu vois, c'est diastémie. C'est ça. C'est pareil. Pareil. C'est pareil. au-dessus de 10 000 oiseaux par année vont mourir en fonçant dans des fenêtres. Ah! Plus de gens naissent entre 4h et 8h du matin que n'importe quelle autre heure. Bah, c'est la fameuse heure smooth, là. Ouais, ouais, c'est. Tu dis, oh, c'est une bonne heure pour ça, tiens. L'heure des troqueurs. La meilleure heure pour pas pogner de trafic. Aussi. En moyenne, lors d'une journée moyenne dans une entreprise, une journée d'affaires, une journée ouvrable, qui est une journée où les gens travaillent, oui. 2 147 000 verres de café jetables sont utilisés seulement dans la ville de Chicago. 2 147 000, imagine si tu multiplies ça par toutes les villes. À Chicago, hein? Chicago. Ouais. Je sais pas. En moyenne, 100 personnes s'étouffent sur un stylo à billes à chaque année et meurent. Ah! 100 personnes meurent contre un crime. C'est un vrai fléau, les bics? Oui. Wow! 100 personnes! 100, nous dit-on. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Ça veut dire que si on est dans une pièce... Non. C'est bon pour faire ça. Oui, c'est la journée officielle de ça. J'adore. Il y a environ 318, je crois que c'est milliards, 979 millions, 564 000, oui, façon d'ouvrir, de faire les quatre premiers tours d'une partie d'échecs. Les quatre premiers moves. Combien? 318 milliards, 979 millions, 564 000. Ouf. Juste. Wow. Ça, c'est quatre groupes de trois chiffres chaque. Oui. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Pour l'imaginer dans votre tête. Ouais. En moyenne, la main gauche d'une secrétaire va taper 56% des caractères versus la main de droite. Ah ouais. Mais ça doit être juste une question de configuration. Tu sais, toutes les voyelles sont à... Ah, le E, le A est à gauche. Ouais. Tandis que le I et le O sont à droite. Mm-hmm. Mais en termes de lettres les plus utilisées, là, je sais pas si c'est juste les voyelles. T'sais. Mais tu vois, je suis en train de faire un test. Là. Ouais. Salut, S-A-L-U-T. Bon, merde, c'est 50-50. Oh, merde. Oh, merde, c'est 50-50. Quel mauvais choix de mots. Seulement un enfant sur 20 né le jour qui est prédit par le docteur, par le médecin. Une personne sur 20? Une personne sur 20. Un enfant sur 20. Ça veut dire que le New Jersey a un musée de cuillères. Avec 5400 cuillères de chaque état et chaque pays, presque. Okay. Presque, c'est marqué almost. Et puis, en plein milieu, il y a un lit. Pour dormir en cuillère. Ah! Toi, Mathieu, est-ce que t'es né la journée où t'étais prédit? Hey, vois que je sais ça. C'est ça, toi? Oui. C'est ça. Moi, j'étais attendu le 17 décembre. OK. Puis j'étais arrivé le 21. Waouh! T'es dans les 19 sur 20? Ouais. Moi, je sais vraiment pas. Moi, j'étais chillax. Mm-hmm. Mais si j'étais né le 17, je serais né la même date que mon papa. Oh, ça a été cute. Ben, bon. Non? Ben là, il aurait fallu se battre pour savoir c'est qui fête sa fête. Oh. C'est l'enfant qui a la priorité pour les cadeaux. Ouais, ouais c'est vrai. Hein? De toute façon, on la fête tout le temps ensemble. C'est ça. Pas c'est ça. Avec ouais. Noël. Et le jour de l'an. En se lançant... coup. Tout en même temps. Ouais. En se lançant de la boîte, peut-être. Parce que le lancer de la boîte et le grimpage du poteau graisseux étaient des événements officiels aux Olympiques de 1904. Le lancer de la boîte et le grimpage de poteau graisseux. Ouais, génial. C'était commandité par Bessel. Bessel. Bessel. On va faire un dernier. Les ours polaires sont capables de sauter okay, dans les airs jusqu'à 6 pieds. Okay, et peuvent courir jusqu'à 25 000 à l'heure. Wow! Hein? La prochaine fois que je vois un ours polaire, je vais mettre Jump Around. Jump Around. Ou encore, tu pourrais mettre aussi Mal à jupe. Oui, il y a un ours polaire dans l'autobus. Ouais. Bon, regarde-moi 40. Ah, ça lâche le cul. Monsieur Jupera! Jupera! Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Machine qui refroidit les boissons en 45 secondes. On pouvait déjà réchauffer des plats en un temps record grâce au micro-ondes, mais jusque-là, L'inverse est impossible. Comment de fois on a dit ça? Quand est-ce qu'ils vont inventer le micro-ondes, mais qui refroidit? Eh bien, c'est désormais chose faite avec la nouvelle invention de la société britannique EnviroCool. Fonctionnant comme un micro-ondes, mais inversé, la technologie Vitex permet à des boissons de devenir fraîches en seulement 45 secondes. Le projet portant sous le nom de Rapid Cool est né d'un partenariat entre le Royaume-Uni, la Slovénie, l'Espagne, les Pays-Bas et a reçu le soutien de la Commission européenne. L'entreprise précise que des techniques de refroidissement des boissons avaient déjà vu le jour auparavant, mais n'étaient pas totalement satisfaisantes puisque le contenant gelait avant même que le contenu se refroidisse. Pour remédier à ce problème, la société a eu l'idée de prendre le principe du micro-ondes, c'est-à-dire de faire tourner la bouteille ou la canette à la bonne vitesse afin que le tout devienne homogène. Le résultat est une boisson qui devient fraîche en moins d'une minute. Et pour éviter que les boissons gazeuses n'explosent à l'ouverture, les chercheurs ont mis au point une méthode basée sur le principe du vortex de Rankine qui permet de remuer un liquide sans perturber les bulles de dioxyde de carbone. L'invention de l'entreprise EnviroCool possède un autre argument de taille, c'est que sa machine consommerait en effet 80% moins d'énergie que des réfrigérateurs classiques et permettrait ainsi une réduction des coûts pour les vendeurs qui pourraient se passer de rayons réfrigérés en stockant les boissons à des températures ambiantes. Elle constituerait également un moyen écologique et pratique pour les particuliers. Le produit est par ailleurs disponible en deux modèles, un pour les commerçants et un pour les consommateurs, et n'a été mis en vente pour le moment qu'en Grande-Bretagne, mais devait sans doute être rapidement commercialisé à travers le monde. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant, et puis surtout le côté d'en faire des réfrigérateurs qui seraient beaucoup plus écologiques. À quand au Canada? Hein? Sur ce, on s'en va vers une autre nouvelle. On s'en va avec, une nouvelle de consommation. Hein? Je pense qu'on en a deux là, ici de consommation. Je vous invite premièrement à découvrir The Mall of America. Un centre commercial grand de 130 terrains de football, comme 130 terrains de football. Eh bien oui, pays de la démesure et du gigantisme, les États-Unis ont l'habitude, on le sait, de voir les choses en grand. Et il en va de même lorsqu'il s'agit de construire des centres commerciaux comme le Mall of America, une gigantesque surface dédiée au plaisir et aux achats située en banlieue du Minneapolis dans le Minnesota. Il propose à ses visiteurs plus de 522 magasins, 14 salles de cinéma, environ 50 restaurants et fast-food, 8 discothèques. The Mall of America, construit en 92, dispose de tout ce qu'il faut pour passer du bon temps, sans oublier les 4 grands magasins postés dans chacun des angles du bâtiment, ainsi que le parc d'attractions de 3 hectares situé au beau milieu de la galerie marchande, anciennement baptisé de Camp Snoopy. Celui-ci comprend des premières montagnes russes tournoyantes au monde, une grande roue de 23 mètres et bien d'autres attractions qui permettent de faire de ce parc le plus grand parc à thème couvert du pays. Pour se faire encore une idée de la surface de Mall of America, eh bien, ce centre commercial dégage chaque année un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars, permettant à lui seul de pouvoir accueillir sur sa surface près de 32 Boeing 747. C'est assez grand. Digne d'un parc à thème à la Disney, eh bien, le Mall of America, qui reste aux États-Unis le site le plus visité devant la Statue de la Liberté et le Grand Canyon. Avez-vous compris? Hein? Ça, c'est assez important, cette phrase-là. Le Mall of America, c'est le site le plus visité aux États-Unis avant la Statue de la Liberté ou le Grand Canyon. C'est sûr que c'est facile d'accès. Ça doit être l'entrée est gratuite, hein? Dans les centres d'achat, c'est toujours gratuit. Alors, on peut comprendre. Il dispose de nombreuses attractions, mais aussi de nombreux services destinés à retenir la clientèle plusieurs jours sur place. Il comprend des hôtels, mais aussi une chapelle qui permet à près de 300 couples par an de passer par là pour se mettre la bague au doigt. Lorsqu'on se rend dans ce temple de la consommation, mieux vaut en prévoir d'y passer quelques jours. La surface de Mall of America est si étendue et l'offre est si énorme qu'il a été calculé qu'il faudrait près de 86 heures pour tout découvrir si l'on ne passait dans chacun des magasins qu'environ 10 minutes. Donc, bonne chance pour vos magasinages des fêtes. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cestfou.ca. Assemblage requis. Est-ce que tu es du genre à faire des crampes? Oui, des crampes dans les cuisses, pas cuisses, excuse-moi, mollets. Mollets, oui. Et orteils.

C'est récent. C'est extrêmement récent. L'album vient de sortir. Le groupe, c'est son premier album. C'est plus une collaboration qu'un groupe, en fait. OK. Entre deux membres de groupes différents. Et moi, étant un grand fan de Converge, qui est un groupe qui est pas mal un des groupes phares du metalcore, hardcore metalcore. Fait que c'est intense. C'est très intense. Et j'aimais particulièrement le batteur de la formation. Okay. Parce que, étant batteur dans la vie, je trouve qu'il tire en pas pour rire. Okay. Il est assez incroyable. Il s'appelle Ben Kohler. Et là, de par le Facebook de Converge, j'ai vu que Ben Kohler sortait un nouvel album avec un comparse qui s'appelle Stephen Brodsky, qui est le chanteur de Cave-In, chanteur-guitariste. Désolé. Qui est un groupe que... Hey, écoute, je connaissais pas plus Cave-In. Okay. Et j'ai écouté quelques pièces et mon Dieu que ça va devenir mon nouveau groupe préféré. Okay. Ben, ça risque de se faire présenter dans ma chronique éventuellement. On devrait les rencontrer finalement. Oui, mais Kevin, j'ai écouté à date l'album Jupiter. Okay. C'est capotant comment j'aime ça, mais c'est un peu. C'est pas Converge. Converge, c'est très rapide, agressif, intense, c'est gueulé, c'est crié. Kevin, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus progressif, psychédélique à la limite et tout. Donc, le mélange des deux m'a intrigué beaucoup. J'ai fait ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Ça s'appelle Mutoid Man. Okay? Oh, déjà le nom, hein? Oui, déjà. Juste la pochette, écoute, je peux t'en montrer. Là. Ben, j'avoue, un petit carré est assez psychédélique. C'est assez psychédélique, merci. Vraiment, oui. Moi, en voyant cette pochette-là, je m'attends à un genre de... Parce qu'il y a une nouvelle vague. Il y a une étiquette new-yorkaise dont le nom m'échappe, qui est beaucoup là-dedans dans la musique. On revient à Sacred Bones. Okay. On revient à la musique très, très psychédélique, très, très des longues pièces répétitives avec un vocal lointain qui a des paroles un peu... Fucky. Ouais. Okay. Qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose, du moins pas jeune. Pas premier, degré. Deuxième, troisième, quatrième degré, ça ne veut rien dire. Mais au 5, 6e, On commence à comprendre quelque chose. ou pas. Oui, c'est ça. Et en voyant la pochette, ça m'a d'autant plus intrigué en me disant, mais voyons donc, qu'est-ce que ça va être cette histoire-là? Et l'album, donc, Allium Head, The Mutoid Man, qui est sorti le 29 novembre précisément, qui, par contre, niveau disponibilité, j'ai finalement... Écoute, on en a déjà parlé, je pense. Moi qui adore avoir des disques physiques, ouais. J'ai finalement abandonné. Je l'ai acheté sur iTunes à 5,99. Vraiment pas cher. Pas cher. Parce que on ne peut pas le faire venir des États-Unis. La compagnie de distribution ne distribue qu'aux États-Unis. C'est d'un niaiseux épouvantable, mais bon. Puis le pire, c'est que l'album est au même prix en physique, mais bon, là, j'ai... Oh. Puis en tout cas, bref, tout ça pour dire que Mutoid Man, Allium Head, un album de 7 chansons qui dure 21 minutes environ, vraiment très rapide, c'est un rouleau compresseur. C'est épouvantable comment j'ai aimé ça. Je l'ai écouté, quand j'ai découvert ça, j'ai écouté l'album 3 fois de suite, bout à bout. Ça a pris une heure, j'ai écouté 3 fois. Aïe aïe. Donc, c'est un album qui est très court. Est-ce que c'est un des... C'est sûr, c'est plate. Un album complet... Moi, j'aime ça des longs albums, personnellement. Oui, mais un EP va s'apparenter plus à ce genre de durée-là. Vingtaine de minutes, 25 à la limite et tout. Mais il y a quand même 7 pièces. Et je vous dirais qu'au bout de la 7e pièce... C'est une bonne idée que ça arrête, je pense. Okay. Parce que c'est très dense comme musique. Tu peux être essoufflé un peu. Oh oui. Tu peux finir essoufflé. Effectivement, je l'étais essoufflé après la première écoute. Mais tantôt, tu dis des longues pièces, mais là, ce que tu me proposes, c'est des tout petites pièces. C'est des tout petites pièces, oui. OK. Il y a deux, trois petites pièces puis des très longues. Non, pas du tout. Non. Je voulais dire, ça s'apparente à. La pochette m'inspire quelque chose de psychédélique avec des longues pièces. OK, désolé. Mais non, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment pas ça. Okay. C'est un mélange. C'est du. Gros rock sale. OK. Metal. Du gros métal, extrêmement rapide, virtuosique. La batterie, écoutez, il doit perdre 20 livres à chaque tune. C'est des tunes de 2 minutes. Là. Vous avez une idée, là. C'est épouvantable. C'est orgasmique pour un drummer d'écouter ça. Là. C'est hallucinant. Le côté psychédélique est un peu présent au niveau de la voix, mais la voix est très rock. OK. Donc, parfois, il va crier, mais c'est très rare. Sur 20 minutes, là, il crie 15 secondes. C'est tout. Okay. Le reste, c'est un vocal rock classique. Excellent. C'est beaucoup au niveau des instruments, justement, que ça va être très lourd. Donc, la batterie qui est extrêmement complexe, qui rappelle même les patterns progressifs du rock metal progressif. Donc, la batterie fait un roulement et la guitare fait une descente en même temps. Ce genre de pattern-là. Puis, c'est très lourd au niveau des accords de guitare, souvent. Il y a des moments que ça va tomber assez intense. Moi, j'ai capote. Je capote d'un raid. À date, ça fait une semaine que je connais ça, puis c'est dans mon top 5 cette année, c'est sûr et certain. J'ai vraiment vraiment adoré ça. Je pense que je vais vous faire... On va y aller avec une écoute pour faire comprendre le vibe. Ben oui, là, moi, je ne me tiens plus. J'ai hâte d'entendre. Là, et il y a des effets. C'est sûr que là, on va écouter mes deux pièces favorites de l'album. On va commencer avec Narcissist, qui ouvre l'album, et après, on va entendre Friday the 13th 8. OK. Puis, je pense que c'est vendredi le 13 août. J'ai l'impression qu'ils ont voulu dire. Et on va voir tous les éléments. Il y a des éléments, c'est métal, mais il va y avoir des éléments rock. Il y a quand même quelques petits éléments psychédéliques. Il y a l'élément progressif qui est là. Il y a l'élément légèrement core, mais pas trop, qui est présent aussi au niveau des rythmiques, des fois des blast beats et tout. C'est génial. Bon, ben on écoute ça tout de suite. Avec le plus grand des plaisirs, on découvre. Allez! C'est dans tes palettes d'en avant. Là. J'en ai plus. J'ai plus de palettes. Et c'est hallucinant parce que déjà, je vais parler beaucoup techniquement. Là. Déjà dans Convert, c'est un batteur qui me jette à terre parce qu'il y a... tu sais, il y a des fois des batteurs qui, on va écouter des groupes métal, qui sont impressionnants parce que tu sais ils font de la pédale double vite, font des gros roulements et tout. Mais quand il y a un autre niveau à écouter dans la batterie, pis c'est le niveau de l'intelligence des parties de drum, l'intelligence, puis aussi la façon des rentrées, la façon de, tu sais, quelqu'un qui va frapper sur une, moi je fais un roulement. Un roulement de batterie, là, il sera pas aussi bon que c'est le même roulement que Neil Peart, mettons, de Rush, mais il sera pas aussi bon parce que lui a la technique, lui a la façon de frapper sur ses. Il y a un feel, tu sais, puis juste une technique de comment tu frappes, dans quel angle, à quel endroit. Ce drummer-là est hallucinant. Ça m'essouffle comment c'est impressionnant ce qu'il fait. Et plus la chanson avance, plus ça monte en intensité. Puis tu te dis, voyons, il peut pas être pire que ça. Ben non, il fait encore une passe encore plus intense. C'est vraiment, vraiment là, une méchante belle découverte. Et comme tu as dit, le chanteur Brodsky, mais c'est rock. Ouais. C'est du gros rock. J'en parlais tantôt à Alain Lefebvre. Ouais. Et je lui ai dit comme comparatif au niveau de la voix, Graveyard. Est-ce qu'il connaissait ça, Alain? Pas du tout, non. Pas du tout. Puis je pense qu'il aimerait ça, moi. Mais je pense qu'il aimerait ça aussi. Ouais. J'espère, du moins. Mais c'est parce que je sais qu'il est moins... Il est assez puriste, Alain. Il est assez puriste. Puis c'est, j'ai l'impression que la musique va peut-être être trop virtuosique pour lui. OK. Mais en tout cas, on va voir. On va voir ce qu'il va en penser. Mais c'est vraiment... Le comparatif au niveau de la voix, c'est Graveyard, qui est probablement un groupe... C'est un groupe de la résurrection du rock des années 70 okay. actuel. Il est dans cette vague-là, avec le vocal qui est bien friendly. Tout le monde est habitué à ce genre de voix-là depuis les Led Zeppelin. C'est ça, tu sais. Mais doublé d'une musique qui déménage. Ah, c'est... Et l'album est comme ça. Les deux dernières pièces sont plus nuancées. Mais l'album est comme ça, là. C'est ça. C'est ça que vous allez avoir. Il n'y a pas de... Je peux pas vous présenter une meilleure pièce qui représente l'album que Narcissist, celle qui ouvre l'album. Donc, c'est vraiment génial. J'adore ça. ça paraît que t'aimes ça. C'est cool. J'ai capoté. Ça sort de nulle part. Puis je suis content. C'est une découverte totale, là. C'est le fun quand tu dis... tu découvres quelque chose en plus par toi-même, là. Oui, c'est mais pas c'est pas mal, c'est parce que t'es allé sur des gens que t'aimes, oui. Tu découvres qu'est-ce qu'ils font. Moi, c'est souvent les trucs qu'on apprécie vraiment le plus. Oui, oui, effectivement. Puis j'avoue que si le milieu trifumier se met à écouter Mutoid Man, là, maudit que je vais me sentir hipster. Ben, c'est ça que je te dis. Pour pouvoir dire, c'est grâce à moi. Oui. Mais vraiment, là, allez écouter, puis c'est ça, allez l'écouter. Bon, on sent que c'est bon. Exact. Et par la bande, je vais vous dire, si vous connaissez pas Convert, si vous aimez ce genre de musique-là, c'est sûr que Convert, justement, c'est plus la tendance hardcore, metalcore. Okay. Donc, le vocal est très, très agressif. La musique est plus tonitruante que ça au niveau de la production, s'entend. Moi, j'ai plus de facilité avec ça quand il y a un vocal qui est plus rock. Là. Oui, moi, là, personnellement. Définitivement. Parce que quand la première chanson a commencé à jouer, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, ah mon Dieu, attention. Ça va être intense. Puis quand le chanteur s'est mal chanté, faites ben voyons autant. Mm-hmm. C'est pas léger, là. Non, ça reste pas léger, mais c'est quand même plus accessible. Mais s'il avait gueulé. Il grogne pas. S'il avait grogné, ça aurait été la goutte de trop. Ouais, non, tu vois, au bout de trois tours, je me serais tanné, mais là, au contraire, là, je suis complètement accroché. Vraiment. Excellent. Là. Mais allez voir Converge, qui est beaucoup plus agressif au niveau de la sonorité. Peut-être pas au niveau de la rapidité, c'est quand même un petit peu moins rapide. Mais au niveau de la sonorité, c'est beaucoup plus agressif. Ou sinon, Kevin, qui est le contraire, qui est plus légèrement plus progressif, psychédélique, planant et tout. Là, vraiment donc, c'est comme très, le entre-deux. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Et c'est pas leur première collaboration. Je pense que, si j'ai bien lu, Ben Kohler est maintenant un membre de Kevin, qui a remplacé le drummer récemment. Et c'est pas leur première collaboration, donc les deux. Et ça faisait longtemps qu'ils pensaient à ce projet-là, qu'ils avaient envie de faire de quoi ensemble. Et c'est au milieu 2012 qu'ils ont commencé vraiment concrètement à composer. Puis ça a pris quand même un an et demi avant que l'album finisse par sortir là, en version digitale ou disque si vous habitez aux États-Unis. Mais j'imagine qu'éventuellement, ça va se rendre jusqu'à nous. Oui. Là. Mais quand même, vraiment, là, excellent, excellent album. Vous pouvez aller l'écouter au complet en streaming, entre autres sur... tapez Mutoid Man sur Google, Mutoid. Man, sur Google, c'est sûr que le premier lien que vous donne, c'est Metal Injection. C'est un site internet consacré à la musique métal qui vous offre l'album en streaming au complet. Excellent. Excepté la dernière chanson qui est seulement pour si vous achetez l'album physiquement. Excellent. Donc, je vous laisse. On écoute un autre. On écouterait Friday de 13-8, qui est un bon moment pesant, lourd. Là, avec, c'est surtout celle qui va vous montrer le côté progressif du groupe. OK. Donc, soyez bien attentifs. Là, l'introduction est quand même assez longue. Puis c'est là que se joue le côté progressif de la chose. Merci, Maxime Tanguay. Merci, Danny Janvier. Je te revois la semaine prochaine. Oh, que oui. Cool. Donc, profites-en puis écoute plein de bonnes news. Hey, mazin. On écoute ça tout de suite. Mutoid Man, Friday the 13th. Hey!

picking, truc de lockpick sur vos boucles d'oreilles. Et quand vous êtes mal pris, évidemment, rien d'illégal ici. Clic-clic dedans, ça se fait tout seul. Un truc pour faire du beurre à la maison. C'est juste une espèce de truc à la plastique, bol de plastique avec, on dirait un beurre de peanut, là, genre. Et tu mets de la crème dedans, la crème, je sais pas quelle sorte de crème, mais en tout cas, ça vous dit des instructions. La crème grasse. La crème grasse. Et vous pouvez faire votre propre beurre avec ça. C'est le Chefin Buttercup Butter Maker pour faire du beurre gourmet, par exemple, avec plus d'épices. C'est plein d'affaires comme ça, je sais pas trop, des herbes, de l'ail, etc. Ça a l'air cool. Pour pouvoir faire pacini à la maison. Pacini. Pain à volonté. Et on va terminer avec celui-là, tiens, avec Doug Dynasty. Vous connaissez l'émission très populaire de Doug Dynasty, Dynasty de Canard, là, ça joue partout, là, les très populaires, les gars barbus de cette émission-là. Et bien, Chia a décidé de sortir des Chia Willy et Chia Uncle Cy, qui sont deux des personnages de Doug Dynasty. Donc, vous pouvez maintenant faire pousser la barbe du monsieur à casquette et lunettes bizarres qui a l'air d'un pédophile dans Doug Dynasty. Génial! Je comprends rien de ce que tu dis, je connais pas ça. C'est de la télé-réalité où les gens... font des affaires bizarres. Et ont des barbes. Et se font très regarder, oui. C'est comme de l'herbe à chat. Non, mais tu sais, il y avait ça, il me semble, c'est de l'herbe à chat qui pousse. Mais c'est une petite sculpture, puis là, ça pousse. Ah oui? Ah! Ah! Eh bien, tu vois, toi, moi, je te comprends pas, Steph me comprenait pas. Fait que on se complète bien, ça. Ouais. Moi, je comprends. On arrête d'animer ensemble. On arrête-tu d'animer ensemble dans genre 3 semaines, 1 mois? Parfait. Parfait. C'est tout pour ça, Smith, ça ne devrait pas. On l'a retrouvé les liens sur assemblagerequis.com. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. On jase du mystère de l'étonnant sol trampoline découvert dans une forêt ici même au Québec. Très particulier, et puis j'aime bien quand des nouvelles de faits divers extrêmes internationales se passent ici même sur dans notre pays, dans notre petit pays du Québec. La nature réserve parfois bien des surprises, et lors d'une excursion en forêt près de Saint-Jérôme au Québec, des randonneurs ont découvert qu'une parcelle de terre agissait comme un trampoline. Le curieux terrain élastique situé à proximité d'une rivière laisse pour le moment les scientifiques assez perplexes. La trouvaille a fait l'objet d'une vidéo reprise par un des promeneurs et on y voit un homme rebondir sur la terre comme sur un trampoline. La séquence diffusée largement sur Internet a d'abord été perçue comme un canular avant d'être examinée plus sérieusement et selon les chercheurs, il s'agirait bel et bien d'un phénomène naturel. Moi, j'ai regardé personnellement la vidéo. Et la première chose qui m'est venue en tête, c'est, ben là, c'est sûr que c'est un canular, ça marche pas, c'est sûr. Ils ont mis une trampoline dans la terre, puis là, ben, ils ont mis des feuilles par-dessus, puis ils sautent dessus. Quand tu regardes comme faux, tu te rends compte que la terre, les roches, les racines, tout bouge. Il y a trop de trucs, il y a des arbres proches, on peut à peu près pas enterrer une trampoline là, ou un trampoline là. Très particulier. Donc, interrogé par EO9, le réalisateur de la séquence a indiqué que la parcelle entourée d'une végétation luxuriante était assez forte pour supporter beaucoup de personnes. Selon les experts, l'élasticité du sol pourrait être le fait d'une accumulation de racines ou de mousse de tourbe. Moi, c'est ce que je pense, c'est les racines qui se pognent une dans l'autre. Là, je cite, « J'ai entendu dire que lors d'une chute, certains travailleurs forestiers des anciennes forêts tempérées ont survécu grâce à une couche profonde de matière organique. » C'est ce qu'a indiqué au Mail Online un expert des jardins botaniques royaux de Kew, situé à Londres. Cette strate formée à partir de feuilles décomposées, mycélium et débris fibreux peut en effet absorber l'impact d'une chute. Pour Andrew Schofield, professeur à l'Université de Cambridge, le phénomène serait plutôt lié à la chute de quelques jeunes arbres sur un creux recouvert par la suite d'une plateforme de terre. Il indique « Je suis à peu près certain que ce soit la raison la plus probable de cet effet qu'on voit sur la vidéo ». Et une autre possibilité pour expliquer le phénomène est la liquéfaction des sols. Il arrive en effet parfois que la terre absorbe une quantité d'eau et devienne un liquide incroyablement visqueux. Toutefois, les experts sont particulièrement sceptiques sur cette théorie. Alors, hein? Faites-vous votre idée. Allez voir la vidéo sur la page Facebook du Dîner de con. Celle-là, j'ai bien aimé cette nouvelle. Très, très cool. Des mini-drones pourraient être utilisés pour livrer des colis d'Amazon. Hein? C'est le projet du géant du commerce en ligne qui concerne les livraisons de petits colis en zone urbaine, mais son déploiement à grande échelle d'ici 4 à 5 ans ne pourrait se faire que si la législation américaine est revisée.

Alors, c'est le temps. C'est le temps. C'est le moment tant attendu. On déguste quoi? La barrique nous offre quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est une belle Pit Caribou. Donc, la microbrasserie, c'est Pit Caribou. Et puis, le nom de cette bière, c'est dans la série Étoile du Brasseur, une brown ale américaine. Elle nous est présentée avec une très belle étiquette. J'aime bien les étiquettes de chez Pit Caribou, qui est à Anse à Beaufil. C'est Anse à Beaufils, pardon. Donc, je connais pas Anse à Beaufils. Mais si je vous lis la petite description ici, on nous dit « Une bière brune au goût de noisette. Cette brown ale américaine présente un léger goût de café enrichi de généreux houblons américains. » Donc, on peut avoir une petite amertume quand même. L'étoile du brasseur est utilisée depuis plus de 6 siècles. Dans la communauté des brasseurs, ce symbole a servi à reconnaître l'emplacement d'une brasserie et les contenants de bière. Elle symbolise l'alchimie brassicole mettant en œuvre les 4 éléments. Donc, eau, air, terre et feu. Donc, c'est une genre d'étoile de David, finalement. C'est l'étoile du brasseur. Sur ce, eh bien, c'est le moment tant attendu. C'est le moment de l'ouvrir, cette bière. On baisse la trame. Oui, on s'enlève ça. On se prépare. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop heureuse de me voir. Dans ce cas-là, on s'éloigne un petit peu des consoles et des pitons. Oh, elle semble heureuse. J'y ai laissé un peu le temps de... Ouf, ça sent si bon. Ça sent le bonheur. On se la coule, cette bière? Mais elle est charmante. Elle est charmante, cette bière. Oh! Wow! Ah, ça fait longtemps que j'ai pas goûté. Ben même, je vous dirais, c'est une bière tellement particulière. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un goût de noisette si distinctif. Et c'est pas sans me faire plaisir. Hein. Ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime les arômes de noix, les arômes de noisette, le goût naughty, comme on dirait. Alors, premièrement, je vous dis au look à quoi elle a l'air. Eh bien, c'est une véritable brown, oui, une véritable bière brune, bien foncée. C'est pas une noire, c'est une brune, voilée. N'est pas du tout translucide, même parce que des fois, on a des bières brunes, mais on voit à travers. Celle-là, pas du tout. Je vous disais tantôt, elle est un format poupée à 500 ml. On a 7% d'alcool comme volume. Et puis, si je me rappelle, si je vais avec le goût, oui, une bonne amertume, les houblons américains. Amertume qui est là, mais pas dérangeante du tout. Je vous dirais un goût de fumée. Un goût de fumée, oui. Ça goûte le feu un peu, mais pas comme les bières à la fumée, là. Je vous parle plus un goût de nourriture fumée, je vous dirais. Torréfaction. L'amertume est vraiment présent, mais le côté noix, le côté beurre vient adoucir le truc. Vient adoucir le tout, je pourrais dire. La mousse, eh bien, effervescence normale, pas tellement effervescente comparée à certaines bières, mais le collet est quand même assez subsistant à date, il colle bien au verre aussi. Les bulles, ben il y en a, mais comme je dis, c'est pas comme un champagne, là. Mais oui, il y a une bonne effervescence, il y a une bonne quantité de gaz dedans, juste bien pour assez piquer la langue, là. Puis une belle bulle quand même qui aide à transporter toutes ces effluves. J'aime bien, mais on sent, oui, au fond. Au début, je voyais pas l'amertume, mais il y a une certaine amertume vraiment intéressante, d'où les houblons américains. On s'en va tout de suite vers ratebeer.com pour aller comparer un peu à ce que nous, on en pense de cette bière. Premièrement, je vous le dis, overall, cette bière-là a 96 sur une note de 100. On peut difficilement faire mieux. Par rapport à son style, qui est une brown ale américaine, eh bien, elle a 99. Fait que, il manque pas grand-chose, disons, à cette bière. On y va avec Cargo. Tiens, j'ai jamais lu ces trucs à lui. Cargo en a... je vous rappelle, c'est quoi ratebeer.com? C'est un site, justement, où on va donner des notes à des bières. Et puis, il y en a qui ont des bières. Il y en a 5000. J'en vois un ici, Tactique Montréal. 5374 bières de déguster et de noter. je sais plus où ce qu'il trouve sa bière, là. 5000 sortes de bière. Moi, je suis rendu que même à la barrique, puis il y en a de la bière, là. Je me demande quasiment quoi boire tellement qu'il y a du stock. Mais bon, on va aller avec Cargo, qui nous dit couleur brune. Lui, en a dégusté 138 et noté 138 plus tôt. Donc, couleur brune avec un col blanc, ou ben, je dirais un col beige. Au nez, on sent le malt, le caramel, les noix. Le caramel, écoute, au nez peut-être un petit peu, mais moi je suis tellement habitué avec des grosses Scotch Ale puis des affaires de même qui goûtent quasiment comme le caramel direct, là, que moi, ce qui me ressort, c'est vraiment le côté, oui, céréales, mais le côté vraiment des noix qui est là. C'est génial. Ça goûte, c'est con à dire, là, mais ça goûte le brun. Et voyez pas des choses négatives là-dedans, là, loin de là. Ça goûte le brun. Donc, en bouche, les mêmes arômes qu'au nez avec une bonne amertume qui n'est pas déplaisante. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Une très bonne bière, la meilleure de cette microbrasserie que j'ai dégustée pour l'instant. Si on s'en va avec Tactique Montréal, qui en a dégusté, comme je disais tantôt, 5374 bières. OK. Il nous vient de Montréal-Nord, monsieur. Une bouteille de 500 ml achetée chez Veux-tu une bière à Montréal. Arôme, légère odeur de céréales grillées. Donc, quand je dis pain, mais on pourrait dire céréales grillées, même toast un peu. Hein? L'apparence, la couleur est brune avec une très faible densité de bulles. Présence d'un mince col beige mousseux et d'une fine dentelle sur le verre. Ben nous ici, la fine dentelle, tout à fait. Elle nous fait de la très belle dentelle, cette bière. Par contre, le col est pas si mince, moi, je trouve. Mais ça, bon, hein, chacun, des fois, c'est juste la façon qu'elle a été versée. Ou, tu sais, ça peut arriver comme ça. Sinon, on s'en va avec, ici, saveur, goût de céréales grillées avec une pointe doublon, durée moyenne de l'arrière-goût. La palette est un corps moyen avec une texture légèrement onctueuse, une moyenne effervescence en bouche, légère présence de torréfaction en arrière-goût. Ça ressemble pas mal à ce que je vous ai dit tantôt. Peut-être moins bien dit que lui, il a peut-être plus le vocabulaire pour le faire. On va aller voir ici Alain G, qu'est-ce qu'il en pense. Il nous dit « Cette bière se présente d'un brun rougeâtre. » Moi, c'est d'un vrai brun, tout simplement. Avec une mousse couleur crème, oui, tout à fait, qui reste longtemps en place tout en s'accrochant aux parois du verre sous une apparence d'écume. C'est tout à fait ça. Ça sent le grain rôti à la limite brûlé. Bon, ben c'est là le truc. C'est ça, mon petit côté. J'aime vraiment aller lire les critiques des gens parce que ça nous met des mots sur des sensations qu'on ressent, mais qu'on n'est pas nécessairement capable de... Je veux essayer que vous ressentiez, vous aussi, ce que je suis en train de boire. Et puis tantôt, je disais fumer. Non, c'est peut-être même... C'est brûlé. Le grain rôti, à la limite brûlé, il explique très bien le goût, je voulais dire. C'est pas de la fumée. Comme quand on est autour d'un feu de camp, une soirée, là, ce que sent notre manteau ou quelque chose du genre. C'est pas ça. C'est le côté brûlé, grillé ou d'un café. Hein. Tu sais, le côté la torréfaction, mais pas comme... En tout cas, c'est particulier. Des vapeurs de sucre d'orge. Ah, peut-être plus que de caramel. Oui, beaucoup plus que de caramel. Se mêlant des arômes boisés. Moi, je disais, ça goûte le bois. Ou encore de sous-bois printanier. Ouf, là, c'est pas mal trop poétique. Mais oui, des arômes boisés. À travers tout cela, des émanations mentholées sont détectées. Par contre, ça, je ne sens pas le côté menthe. Le liquide en bouche a une texture veloutée. Brouille un peu les cartes. C'est une amertume surprenante entre l'agréable et l'inattendu. C'est tout à fait ça. Des saveurs de résine et de noix crues et diverses qui caressent le palais. À saveur de résine, peut-être, c'est le côté peut-être amertume qui est là. Et puis, on va s'en faire une dernière avant de poursuivre en musique. On s'en trouve un autre ici. Tiens, on va s'en faire avec Viper 666 que je prends souvent ici en exemple. Donc, bouteille de 500 ml, on le dit, couleur brune et voilée, nez de malt moyennement rôti et légèrement sucré. Tout à fait. Sucré, oui, mais non, parce que c'est pas encore là, c'est pas une bière pesante là, qui goûte le Welsh, comme dirait ma copine. Non, ça goûte. On peut ressentir. Et moi, ce qui me reste dans la bouche en arrière-goût, c'est vraiment la céréale. C'est vraiment la céréale, tout à fait. Le petit côté torréfié aussi. Torréfié. Et peut-être même chocolaté. On y va ici. Moyen houblon herbeux et légèrement résineux. Oui, léger caramel terreux. Peut-être si on le dit terreux, peut-être que c'est mieux que juste caramel et café avec des notes de noix et des traces de chocolat moyennement rondes en bouche avec un pétillement moyen ainsi qu'une texture légèrement huileuse. Ouais. Goût de noix et de malt rôti doux. Tout à fait. Légèrement sucré et terreux lors de l'entrée en bouche. Non. Il nous dit, l'entrée en bouche auquel se rajoute un léger goût de biscuit, mais je dirais biscuit brûlé un peu, avec des notes de chocolat et quelques traces de caramel. Parallèlement, on retrouve une moyenne amertume de houblon herbeux et moyennement résineux aux notes terreuses. Il dit, on retrouve un léger goût de café et des faibles notes épicées comme du poivre doux. L'après-goût est long et un peu sec. Moi, je dirais l'après-goût est long, pas très sec. Moyennement amer et houblon. La légère gouture, bon, il se répète un peu. Donc, vous savez, vous voyez quel genre de bière que c'est. C'est une bière à boire seule. Pas nécessairement une bière à boire en mangeant, sinon en mangeant quelque chose qui a du corps, qui a quelque chose dans les culottes, comme on pourrait dire. Donc, ce qu'on buvait aujourd'hui et que je bois encore, c'est la Brown Ale américaine de chez Pit Caribou. Elle nous est offerte par La Barrique, notre fier commanditaire, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. On s'en va avec Dead Mouth et la pièce que je vous offre, je l'avais trouvée tantôt, j'ai pas eu le temps de la placer, c'est There Might Be Coffee. There Might Be Coffee. Ben oui, parce qu'elle a un petit goût de café quand même, on peut pas le nier, mais pas le goût de café, le côté vraiment torréfaction, l'odeur de torréfaction. Donc, on y va avec Dead Mouth 5. Restez là.

Présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Parle des cauchemars les plus fréquents, le top 10 des cauchemars les plus fréquents, ainsi que leur signification. Ça peut être sérieux, un peu moins, disons, on y va comme ça. Donc, le cauchemar d'être perdu ou prisonnier, ce sentiment dans un rêve renvoie directement à la perception que l'on a de la réalité par rapport à la voie à prendre, dans quel domaine que ce soit. L'impression d'être à court d'options ou d'en avoir trop peu pour engendrer un stress et qu'il faut identifier pour se débarrasser de ces cauchemars. Sans réponse adaptée, ce cauchemar est souvent la première étape, avant de passer au suivant. Autre cauchemar très fréquent, c'est être en chute libre ou être en train de se noyer. Cette sensation survient en général dans un contexte de surcharge de travail. Le stress est alors internalisé et accumulé pour prendre la forme de ce cauchemar. Et ce sont précisément les réactions que vous aurez au cours de cette chute qui traduiront votre manière d'appréhender les problèmes dans la réalité. Hein, on apprend. Sinon, on a aussi le cauchemar d'une machine ou d'un téléphone qui ne marche pas. À moins d'avoir trop souvent expérimenté ces soucis avec la technologie, ce type de cauchemar peut s'avérer symptomatique d'un sentiment de perte, l'éloignement d'un proche, physique ou émotionnel, ou l'impression d'avoir, sans le vouloir, érigé une barrière avec son entourage. Si ce cauchemar est récurrent, interrogez-vous sur les rapports que vous entretenez avec vos amis et si vous en avez pas ou peu, laissez pourrir tout ça. Si vous en avez pas un peu laissé. OK, ben c'est ça. OK. Ici, cauchemar que oui, on a eu hein, à l'époque. Moi, j'ai eu ça quand j'étais jeune. Maintenant, ça arrive plus. À être, se retrouver nu dans un lieu public. Mmh. Et là, on a une belle vidéo de Miley Cyrus qui est nue sur sa boule de construction, de démolition, pardon. Donc, se retrouver à poil par accident, c'est une représentation assez claire de secrets que l'on ne veut pas révéler. Eh bien oui, donc quand j'étais jeune, j'avais sûrement ça. Maintenant, ça n'arrive plus. La difficulté de se mettre à nu s'illustre de manière littérale dans les cauchemars et la sensation de gêne que vous éprouverez dans vos songes doit un peu ressembler à celle que vous craignez si vous on en apprendrait davantage sur vous. Vous avez peut-être besoin d'assumer un peu plus ce que vous êtes et de relativiser le jugement des autres. Vous en vivrez que mieux. Hein, on voit ici que Miley Cyrus, elle, ça va très bien, elle n'a rien, mais absolument rien à cacher, même qu'elle dévoile beaucoup. Une catastrophe, rêver, ou bien pas rêver, mais faire un cauchemar d'une catastrophe naturelle ou provoquée par l'homme. Ça aussi, ça m'est arrivé assez souvent de rêver à des catastrophes naturelles où tout tombe. Donc, ce type de cauchemar est souvent lourd de sens. Un rêve de catastrophe fait référence à une catastrophe imminente dans la réalité. Il est donc important d'identifier ce qui, dans notre rêve, nous rend impuissants et d'essayer de déterminer quel événement dans notre réalité nous plonge dans cet état et constitue une source de stress parfois inconsciente. Ah ben, gay, on le voit. Faut dire que je comprenne que je travaille sur moi. Faut dire que ça m'arrive moins qu'avant, mais il y a quelques années, ça m'arrivait très, très souvent. Rêver ou faire le cauchemar d'un examen raté, les étudiants. Hein? Donc, c'est le premier rapport que l'on a avec un possible échec qui nous hante longtemps après la fin de notre scolarité. Cette peur d'être évalué illustre le sentiment de mériter ou non ce que l'on a. Si on faisait un examen objectif de ce que vous avez réussi dans votre vie, seriez-vous satisfait? Si vous rêvez de copie d'une maculée blancheur, ce n'est peut-être pas le cas. Tout à fait. Faire un cauchemar de la perte ou de la destruction de sa propre maison. Une maison illustre la dichotomie entre la volonté de préserver ce que l'on a à l'intérieur et l'image et la solidité que l'on montre de l'extérieur. Votre maison, c'est vous. Si votre cauchemar montre une destruction ou un vol à l'intérieur de cette maison, dans l'intimité de vos murs, il faut le comprendre comme un sentiment de trahison ou une peur d'être manipulé. Ah, c'est pas si niaiseux que ça aujourd'hui, le dîner de con. Faire le cauchemar d'une panne de voiture. Comme pour la maison, le véhicule dans lequel vous êtes symbolise votre propre corps. La voiture montre un aspect extérieur impeccable quand la mécanique s'enraye. Il faut comprendre cette image comme la différence de perception que l'on a de l'extérieur à l'intérieur. Le fait de filer droit devant vers un crash trahit un sentiment de faiblesse ou d'absence de contrôle sur sa propre vie. Assez intense. Et faire des cauchemars de blessures, de maladies ou de mort, eh bien, au-delà de cette croyance qui veut que si l'on meurt dans un rêve, on meurt en réalité, il faut relativiser la gravité de ce genre de vision. Certes, cette apparition morbide dans les songes peut être à rapprocher du rapport que l'on a avec la mort quand elle concerne un proche, par exemple. C'est parfois plus léger et cette mort peut illustrer seulement un changement dans sa propre vie qui implique une nouvelle ère. Nouveau job, arrêt de la cigarette, achat d'une voiture hybride, laisser un conjoint, conjointe, vous tuer l'ancien pour renaître dans une nouvelle vie. Mettons une Prius hybride ou une Ferrari, c'est comme vous voulez. Dixième cauchemar, eh bien, le cauchemar d'être poursuivi ou attaqué. Se sauver et être poursuivi, ça m'est arrivé aussi quelques fois. Mais ça m'est arrivé surtout après avoir joué à Grand Theft Auto 5. Pour vrai, j'ai eu des genres de... il fallait courir, mais dans ce temps-là, c'est assez compréhensible. Hein, quand on a passé 3, 5, 10 heures à jouer, peut-être que ça peut un peu affecter notre cerveau. Si il est universellement partagé, c'est parce que ce rêve fait appel à un instinct de fuite face à ce qui semble-t-il est plus fort que nous. Selon Freud, ce rêve manifeste l'anxiété de l'individu, quelle que soit la gravité de cette préoccupation. On pense pouvoir compenser avec ces petits soucis, vos cauchemars vous montrent que non et qu'il faut y faire face. Petit plus, si le poursuivant a un couteau ou un long objet, c'est certainement une représentation sexuelle que vous fuyez ou à laquelle vous avez envie de céder avec culpabilité. OK. Et on y va avec les fétichismes les plus spectaculaires. Donc, le top 10 des fétichismes méconnus et ses drôles de fantasmes chez l'être humain. premier fétichisme. Et puis, on a un top juste pour ça. Je le mettrai pas là, mais c'est les fétichistes du mohair. Eh bien oui, le mohair, c'est le fétichiste de la laine. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble des fétichistes du mohair, eh bien, rendez-vous sur la page Facebook du Dîner de cons. Vous allez voir, c'est assez particulier. Sinon, deuxième fétichisme, l'asthénéophilie. Ici, c'est le plaisir qui se focalise pas seulement sur le tangible, mais plutôt sur un état d'asthénéophile qui est excité sexuellement quand il est malade. Alors, un bon gros rhume et c'est l'extase. L'auto-népiophilie. Oh, ça, c'est des adultes qui aiment porter des couches-culottes et être traités comme des bébés. Cet infantilisme est parfois couplé à d'autres petites paraphilies sympas comme la scatophilie. Bien sûr, ce fantasme d'avoir la couche pleine. Quatrième fétichisme chez les humains, c'est le fétichisme des masques à gaz. Souvent associé au fétichisme du caoutchouc ou du latex, ce fétichisme est relativement récent puisque les masques à gaz ne sont apparus au grand public qu'en 1915 durant la Première Guerre mondiale. Les causes du fétichisme des masques à gaz sont assez mystérieuses. On peut y avoir des références à la science-fiction ainsi qu'un souhait de déshumanisation ou bien l'envie de ressembler à un exterminateur de cafards, bien sûr. En cinquième position, le fétichisme des ballons. Les fétichismes des ballons se divise en deux groupes. Les exploseurs, qui ressentent une excitation sexuelle lorsqu'un ballon éclate, et les non-exploseurs, qui sont attirés, eux, par les ballons, mais détestent par-dessus tout voir ceux-ci les éclater. Parce qu'ils veulent pas, c'est comme le tuer le ballon. Si vous voyez un mec se frotter au ballon de baudruche pendant une fête d'anniversaire de vos enfants, ne paniquez pas. Ben, peut-être, ou paniquez, sortez-le. Sinon, le fétichisme du plâtre. Eh bien oui, le fétichisme du plâtre, le plâtre médical, pas celui qu'on met sur nos murs. Il se décline sous plusieurs variantes. D'une part, l'envie de porter un plâtre, souvent lié à une envie d'être immobilisé ou à un besoin d'attention. Et de l'autre, l'attirance pour les personnes portant un plâtre pour l'aspect esthétique ou en raison de leur vulnérabilité temporaire. OK. Sinon, le dendrophile. Qu'est-ce que la dendrophilie? Eh bien, la dendrophilie est une attirance sexuelle pour les arbres. Cette attirance peut être liée à la sensation de contact avec l'écorce de l'arbre ou à la perception de celui-ci en tant que symbole phallique. Le taux de dendrophile au sein de d'Europe Écologie, les Verts, est aujourd'hui inconnu. OK. Petite joke plate. Ici, on nous dit les chiens sont souvent dendrophiles parce qu'ils aiment aller se soulager sur les arbres. La mucophilie. Le terme mucophilie désigne le fétichisme du mucus, c'est-à-dire plus concrètement de la morve. Hein? Mais oui, les mucophiles sont contents toute l'année puisque les rhumes hivernaux laissent place aux allergies et ensuite aux rhumes des foins. Hein? Ben oui. Sinon, le formicophile, donc la formicophilie, ouais, on voit que je suis pas atteint de ça parce que je saurais au moins le prononcer. Eh bien, c'est une sorte de microzoophile. Donc, une zoophilie, c'est être excité par les animaux, mais là, c'est de la microzoophilie. Généralement, il aime bien crouler sous les insectes. Donc, poser des fourmis sur son pénis ou se faire piquer par des saloperies à plus de quatre pattes. Il aime particulièrement regarder genre Fort Boyard, riche en épreuves à base de mouches, blattes et autres bestioles rampantes. Et en dixième position, c'est l'ursusalmagatophilie. Donc, l'ursusalmagatophilie, eh bien, c'est sans doute le fétichisme le plus difficile à prononcer. Oui, l'ursusalmagatophilie, c'est un terme barbare qui désigne une attirance sexuelle envers les oursons en peluche. Eh bien, oui, il considère petit ours comme du porno, Yogi aussi et tous les autres. Alors, êtes-vous présent dans ce top? C'est correct, hein? C'est bien correct. J'ajouterai rien. Non, mais je suis pas là pour que les gens se sentent mal, moi, là. Vraiment pas. On va aller dans les choses qui sont vraiment inutiles. On va parler de crottes. Ah non! Ben oui, les crottes des chiens non ramassées peuvent rapporter gros. C'est même la municipalité anglaise, une municipalité anglaise qui a décidé de récompenser à hauteur de $130 les personnes qui dénoncent les propriétaires de chiens n'ayant pas ramassé les déjections de leurs animaux de compagnie dans la rue. Donc, jusqu'à présent, une poignée de contrevenants a été pris en flagrant délit par des patrouilles de la municipalité de Stafford, obligeant les autorités locales à prendre ces mesures plus drastiques. Désormais, toute personne donnant des informations permettant de poursuivre ou de verbaliser un contrevenant recevra $130. Eh bien oui, de fait, le délateur recevra un montant, nanana, nanana, nanana. Il va recevoir l'argent, dans le fond, une partie de l'argent de l'amende. Hein? Fait qu'ils dépenseront pas vraiment plus de cash. Toujours dans le domaine animalier et particulier, eh bien, on apprend que le sperme de cochon est un commerce fertile, le saviez-vous? Eh bien oui, c'est Londres qui s'est félicité mercredi des retombées commerciales de la visite en Chine du premier ministre Dave Cameron et notamment de la conclusion d'un contrat d'exportation de sperme de cochon frais et bien congelé. L'accord scellé pendant la visite de 3 jours du chef du gouvernement de la tête d'une importante délégation économique a été salué par le ministre de l'Environnement, Owen Paterson, dans un communiqué. Au total, 4 centres d'insémination artificielle d'Angleterre et d'Irlande du Nord seront chargés de récolter et d'expédier le sperme en Chine où vit la moitié de la population porcine mondiale, qui est aussi le premier pays consommateur. Mr. Paterson a également indiqué qu'il travaillait à un autre contrat gagnant sur l'exportation de pieds de cochon. Les pieds de cochon finissent le plus souvent à la poubelle dans notre pays, en Angleterre, alors qu'ils constituent un mets de premier choix en Chine. Hein? Au total, la Chine représente, selon ses calculs, un débouché de quelque 45 millions de livres pour les éleveurs de porcs britanniques. Et puis, on s'en va avec une autre ici. On va aller parler du Père Noël. C'est Google et Microsoft qui sont sur les traces du Père Noël. Google a lancé mercredi le site Internet avec son lot de jeux et de reines, ainsi que des elfes, ainsi qu'un calendrier de l'Avent et un compte à rebours égrenant les secondes avant le départ du Père Noël pour sa distribution annuelle. Google a également créé un logiciel qui permet d'associer au site tous les appareils fonctionnant sous Android et son moteur de recherche Chrome. Une équipe d'ingénieurs de Google a travaillé dur pour suivre la trace du traîneau du Père Noël avec les cartes et les technologies dernier cri, explique Sandy Russell, directeur créatif des elfes chez Google. De son côté, Microsoft a fait équipe avec le Centre de défense aérospatiale d'Amérique du Nord, le NORAD, qui surveille les attaques potentielles en provenance du ciel et des océans pour pister le fameux vieillard à la barbe blanche. Comme nous regardons le ciel, quoi qu'il arrive, c'est logique de surveiller aussi Rudolph, le chef des reines du Père Noël. C'est ce que commente Marissa Novoblisky. Et puis, ça fait longtemps que le NORAD est sur les traces du Père Noël, hein? Le NORAD avait commencé à s'intéresser au Père Noël en 1955, quand une publicité avait été donnée par erreur donné un numéro de téléphone du centre pour contacter le grand barbu au costume rouge. Un colonel de garde avait répondu aux enfants pour ne pas les décevoir et c'est depuis devenu une tradition. Vraiment très intéressant. Donc, le NORAD et Microsoft ont aussi lancé un site Internet avec des jeux et des vidéos comme Google. Alors, vous n'avez plus de raison de vous ennuyer en attendant la nuit du 25. Aux États-Unis, on est en procédure judiciaire pour qu'un chimpanzé soit reconnu comme une personne. Vive les droits de tous, parce que je peux même pas dire droits humains, quand on sait que dans certains pays arabes, les femmes ont même pas le droit d'avoir un permis de conduire et ils peuvent pas parler à des inconnus dans la rue. Et là, on veut donner le pouvoir qu'un chimpanzé soit reconnu comme une personne. En tout cas, on va aller voir ce qu'ils en disent. Les chimpanzés peuvent-ils prétendre aux droits de l'homme? Une organisation de la défense des animaux vient en tout cas de saisir la justice américaine pour faire établir qu'ils sont légalement des personnes. Hein? Les Non-Human Rights Project a saisi lundi la justice à Johnstown dans l'État de New York au nom de Tommy, un chimpanzé actuellement en cage sur un terrain pour caravane dans la localité toute proche de Gloversville. Elle prévoyait de faire de même mardi à Niagara Falls, État de New York, au nom de Kiko, un chimpanzé qui lui est sourd. À Niagara Falls, propriété d'un particulier, et jeudi de 2 autres primates, Hercules et Léo, propriété d'un centre de recherche à Long Island. L'association, qui se présente comme la seule organisation travaillant à la défense des espèces autres que la nôtre, demande à la justice de reconnaître aux chimpanzés leur liberté de mouvement et d'ordonner qu'ils soient envoyés dans un sanctuaire pour primates en Amérique du Nord afin qu'ils puissent vivre parmi les leurs dans un univers aussi proche que possible de l'état sauvage. L'association a fait la demande d'un mandat d'habeas corpus qui énonce la liberté fondamentale de ne pas être emprisonné sans jugement. Elle souligne que les tribunaux de New York avaient permis aux esclaves d'utiliser le mandat d'habeas corpus pour établir qu'il n'était pas une propriété et avait droit à la liberté. On parle d'humains ici, là. On parle pas de singes. C'est complètement ridicule de mêler tout ça, là. C'est vraiment, on peut pas comparer ça avec l'esclavage. Ça a rien à voir. Notre dossier établit clairement pourquoi ces êtres autonomes au comportement complexe ont le droit légal de ne pas être emprisonnés, affirme l'association à propos de chimpanzés. La justice peut accepter ou non de se saisir du dossier, mais si elle refuse, l'organisation a déjà prévu de poursuivre en appel. Notre dossier sera entendu tôt ou tard, a-t-elle affirmé. En tout cas, hein, je pense qu'il y a des dossiers un peu plus importants sur la planète, mais bon. Ça, c'est une nouvelle qui m'a frappé. Non, c'est pas arrivé avant hier. Ça fait quelques mois, si je regarde la date même, c'est en août. Donc, en août 2013. Mais le titre, écoutez, en cherchant mes nouvelles, j'ai pas pu pas vous en parler. Vous allez voir, il chassait les fantômes avec son pénis. Non, vous avez bien compris. Donc, c'est Wan Jiangjun qui a été récemment arrêté par la police chinoise. L'homme se disait exorciste et prétendait savoir chasser les fantômes cachés dans le sexe des femmes à l'aide de son pénis. Sérieux, les faits se sont déroulés à Canton, dans la province du Guangdong, dans le sud du pays. C'est ce que rapporte le Global Times. Ça s'est passé le 1er août. Les policiers sont venus arrêter Yuan Jingjun à la suite d'une plainte déposée par une certaine Axing, à qui une mésaventure peu banale était arrivée. La jeune femme, employée dans une épicerie, était rentrée en relation avec cet homme qui affirmait pouvoir l'aider à séduire son patron, dont elle était secrètement amoureuse, mais qui, à son grand désespoir, demeurait insensible à son charme. Pour expliquer ses échecs répétés, Yuan Jingjing s'est livré à un examen détaillé de sa patiente, à qui il avait donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Son verdict n'a pas tardé à tomber. Il lui a dit que son vagin, le vagin de la jeune femme, était hanté par des fantômes qui ont fait fuir son patron. Hein? Heureusement, l'exorciste disposait de l'arme qui permettait de chasser ses hôtes indésirables, son pénis. Et pour cela, il lui fallait introduire son sexe dans la malheureuse pour déloger les fantômes responsables de son malheur. La jeune femme a fini par se laisser convaincre, d'autant plus que Yuan Jingjun lui a assuré qu'il devait sacrifier sa virginité pour lui venir en aide. Ce n'est qu'après l'exorcisme que Axing a réalisé qu'elle avait été probablement dupée. Non, mais... sérieux, faut-tu être cave et crédule, puis je sais pas, mais tu sais, en tout cas, devant les policiers qui l'interrogeaient, le Ghostbuster a nié toute relation sexuelle, arguant l'incapacité d'avoir la moindre érection du fait de son diabète. Hallucinant, des nouvelles comme ça, c'est... je pouvais pas vous en parler, parce que, écoute, c'est arrivé au mois d'août, mais la nouvelle est arrivée quand même à quelque part dans le monde, là, c'est trop, là, ça se peut pas. Ici, un truc incroyable, mais on sait que ça arrive, et puis souvent pas très loin de nous, malheureusement. C'est un chirurgien qui a oublié un gant en latex dans le corps de sa patiente. Sharon Birks ne se remettait toujours pas de l'hystérectomie qu'elle avait subie le 19 novembre à l'hôpital de Derby, en Angleterre. Elle était victime de douleurs abdominales. Cette Anglaise de 42 ans, craignant une infection, a eu recours en premier lieu à des antibiotiques prescrits par son médecin. Mais ces derniers n'ont pas mis fin à ses douleurs infernales. J'éprouvais de violents maux d'estomac et j'avais l'impression que quelque chose était coincé dans mon intérieur, dit-elle. Trois jours plus tard, la patiente se fait retirer son cathéter à l'hôpital et c'est en allant aux toilettes qu'elle découvre l'origine de ses douleurs. Un gant en latex oublié dans son corps par son chirurgien qui avait été évacué par les voies naturelles. Le chef du service de l'hôpital, Sue James, s'est excusé publiquement pour cette erreur médicale. Une enquête approfondie est en cours et quand elle sera terminée, nous ferons part des résultats à Madame Birks. Nous prenons la sécurité de nos patients très au sérieux et à l'issue de cette enquête, nous nous assurons que des leçons en ont été tirées, a-t-elle déclaré. J'espère. Le genre d'erreur qu'il faut pas qu'il arrive, c'est ça qui arrive, hein. Je vous parle des 10 produits les plus utiles de Google et ce, a priori, c'est pas ceux que vous vous servez tous les jours. Vous allez voir, nul internaute n'est censé ignorer les outils de Google, du moins les plus connus comme Google Drive, le Gmail, l'agenda, l'actualité, Google Maps, Google Street View. Mais vous l'ignorez peut-être, mais il en existe beaucoup d'autres. Très pointus et d'une réelle utilité, le géant du web les met gratuitement à la disposition de tous. C'est le site Mashable qui les a recensés et moi-même, du Dîner de cons, qui vous les offre aujourd'hui. En première position, des outils Google très intéressants, le Google Ngram Viewer. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet d'observer l'évolution de la fréquence d'un mot dans plusieurs millions de livres et sur les 500 dernières années. Il est possible d'en faire des recherches très poussées en combinant plusieurs mots-clés ou en effectuant une recherche ciblée dans un extrait de discours ou un chapitre, par exemple, où on apprend que l'occurrence du mot cocaïne est considérablement plus élevée dans la littérature française entre le début des années 1980 et 1880 et 1910. Donc, vous pouvez avoir aller chercher des mots, l'utilisation de plein de trucs vraiment intéressants, le Google Ngram Viewer. Deuxième outil de chez Google que vous connaissez peut-être pas et que vous devriez, c'est le Google Correlate. J'ai bien de la misère avec mon anglais. Google Correlate, qui sert à observer les tendances, donc les trends. Par exemple, en entrant le mot soupe, on constate une nette augmentation pendant les mois d'hiver. Mieux, la fonction Drawing permet de dessiner un graphique et d'obtenir les mots clés qui y correspondent. Donc, Google Correlate, pour voir les corrélations entre les mouvements, les tendances et tout. Vraiment intéressant. Troisième, ah ben là, on l'a, c'est le Google Trend. C'est vraiment Google Trend, c'est pas mal tendance, hein? Il est capable de dire en temps réel quels sont les termes les plus tapés sur Google. Cet outil peut aussi recentrer une recherche dans une zone géographique. Il est donc, par exemple, possible de rechercher des tendances uniquement dans les pays francophones. Vraiment très intéressant, ces outils chez Google. Quatrième outil à utiliser de notre grand maître Google de Mountain View, hein? Google Think Insight, donc qui publie des données synthétiques relatives aux tendances du marketing digital. L'outil est focalisé sur la compréhension du comportement des internautes et tente d'indiquer aux communicants comment ils doivent s'adapter au terrain numérique en perpétuel mouvement. Donc, l'outil s'appelle Google Think Inside. Et wow, excellent. Moi, il y a certains trucs que je vais vraiment me mettre à utiliser que je ne savais même pas qui existaient. Cinquième outil chez Google qui peut être intéressant à connaître, c'est le Google Public Data Explorer. Il permet de trouver des sources statistiques dans différents secteurs, tient au fait comment évoluer le prix du carburant au Canada depuis 2009. Donc, on peut voir ça avec le Google Public Data Explorer. Sixième outil chez Google qu'on n'utilise pas assez souvent, le Full Value of Mobile. Il évalue l'efficacité des campagnes mobiles. Il s'agit en fait d'une calculette d'un nouveau genre permettant de recenser et d'optimiser les chemins de conversion depuis les smartphones. Intéressant. Septième outil chez Google qui peut être vraiment intéressant, le Shamer. C'est une sorte de to-do list numérique. Cette plateforme permet aux internautes de créer, partager ou de rejoindre des tâches à effectuer. Manger donc une crêpe, regarder le Seigneur des Anneaux, mettre à jour son CV. Il y en a pour tous les goûts. Pour participer à une activité, il suffit de rejoindre un SHEM, un groupe, ou en créer un. À partir du moment où un SHEM est rendu public, tous les autres utilisateurs de la plateforme peuvent désormais y accéder. Donc, ça s'appelle Google Shamer. Google Dart, maintenant. Dart est un langage de programmation made in Google. Il se veut le remplaçant du JavaScript. Avec Dart, le moteur de recherche entend remédier aux faiblesses de JavaScript en termes de clarté du code et de sûreté de l'exécution. Mais pour le moment, l'outil ne séduit pas du tout. JavaScript est déjà bien implanté et s'améliore régulièrement au niveau de la rapidité d'exécution. Neuvième outil chez Google qui peut être intéressant, le Google Keep. Google Keep, c'est un outil de prise de notes. Il est indispensable à la fois sur le Google Play d'Android et en tant qu'application web liée à Google Drive. Il est possible d'ajouter une alerte à une note en fonction d'une date, d'une heure ou même d'un lieu. Vraiment génial. Et dernier outil que vous ne connaissez peut-être pas chez Google, mais moi que je trouve vraiment intéressant, c'est le Google Sky, qui est une fonction de chez Google Earth qui permet de naviguer entre les étoiles, dans les constellations et les galaxies. Une prouesse réalisée grâce à l'assemblage de plus d'un million d'images capturées par le télescope spatial Hubble. Vraiment bien intéressant, tous ces petits outils chez Google que qu'on ne connaît pas assez. C'est ce que je devrais dire. Hein? Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis.